caché dans les eaux troubles des lendemains. Ah, tendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien. Tout est chaos.